Première partie, la grande catastrophe. Chapitre 1. Hyperespace, le Legacy Run. 3 heures avant l'impact. Tout va bien. La capitaine Edda Cassett passa en revue l'affichage des moniteurs intégrés à son siège pour la seconde fois. Elle les parcourait toujours au moins à 2 reprises. Avec plus de 4 décennies de vol derrière elle, la capitaine considérait cette minutie comme l'une des raisons majeures de sa survie. Le second examen confirma tout ce qu'elle avait vu lors du premier. « Tout va bien !» dit-elle à voix haute, cette fois à l'intention de l'équipage. « Il est temps pour moi d'aller faire ma tournée d'inspection. Lieutenant Bowman, la passerelle est à vous. »« Entendu, capitaine !» répondit son second en se levant de son propre fauteuil pour aller s'installer dans le sien, le temps qu'elle revienne de sa promenade du soir. Tous les capitaines de cargo long courrier ne dirigeaient pas leur vaisseau comme un bâtiment militaire. Edda avait déjà vu des appareils aux ponts tachés, aux canalisations pleines de fuites et à la verrière de cockpit fissurée. Autant de négligence qui la révulsait. Mais la capitaine Cassett avait commencé sa carrière comme pilote de chasseur au sein de la force opérationnelle interarmée Malastar Sulust, qui faisait régner l'ordre dans leur petit secteur à l'orée de la bordure médiane. À l'origine, elle pilotait un Incom Z-24, le chasseur monoplace que tout le monde surnommait désormais le Bourdon. Des missions de sécurité le plus souvent, de la chasse aux pirates et autres têtes brûlées. Avec le temps, elle avait fini par commander un croiseur lourd, l'un des plus gros engins de la flotte. Une bonne carrière, des missions efficacement menées. Elle avait quitté la FOI de Malluste avec les honneurs pour prendre un poste de capitaine à bord des vaisseaux marchands de la guilde de Bain, ce qu'elle considérait comme une retraite paisible. Mais après plus de 30 ans passés au sein de l'armée, elle n'avait pas seulement l'ordre et la discipline dans le sang. C'était son sang. Désormais, chaque vaisseau qu'elle dirigeait tournait comme s'il s'apprêtait à livrer bataille contre une armada Hutt, même lorsqu'il ne faisait que transporter une cargaison de peaux d'ogrutes d'un monde A à un monde B. Et cet appareil, le Legacy Run, n'y faisait pas exception. Edda demeura raide comme un piquet en acceptant le salut rigide du lieutenant Jarry Bowman, puis le lui rendit. En s'étirant, elle sentit les os de sa colonne vertébrale craquer. Trop d'années à patrouiller dans de minuscules cockpits, trop de manœuvres en gravité élevée. Parfois au combat, parfois simplement parce que c'était un moyen de se sentir en vie. Mais le vrai problème, songea-t-elle en plaquant une mèche rebelle de cheveux gris derrière son oreille, c'est le nombre des années. Elle quitta le pont, abandonnant la mécanique précise de l'équipage de la passerelle, pour emprunter le corridor compact qui menait au monde plus vaste et chaotique du Legacy Run. Le vaisseau, un transport de fret modulaire de classe A issu des chantiers de Canif, avait plus de 2 fois l'âge de Edda. Même s'il avait dépassé la période opérationnelle idéale, il restait sûr, à condition qu'on l'entretienne et le vérifie régulièrement, ce qui était le cas. Sa capitaine y veillait. Le Run était un vaisseau à usage mixte, conçu aussi bien pour le transport de cargaison que de passagers, d'où le terme « modulaire » dans sa désignation officielle. Un compartiment unique et gigantesque occupait la majeure partie de sa structure en forme de long prisme triangulaire avec les machines à la poupe, la passerelle à l'avant et le reste de son volume dévolu à la cargaison. Des bras articulés émergeaient de l'échine centrale à intervalles réguliers, permettant de fixer de petits modules supplémentaires. Le vaisseau pouvait accueillir jusqu'à 144 de ces sections configurables pour transporter toutes les cargaisons possibles et imaginables. Edda appréciait cette polyvalence absolue. On ne savait jamais où l'on allait se rendre et quel curieux défi vous attendait d'un travail à l'autre. On avait même un jour converti la moitié de l'espace du compartiment principal en un immense réservoir d'eau pour transporter un poisson-sabre géant depuis les mers déchaînées de Tibrin jusqu'à l'aquarium privé d'une comtesse d'Abrégado Ré. Eda et son équipage avaient livré le monstre sain et sauf, ce qui n'avait pas été une mince affaire. Le plus difficile avait consisté à le rapatrier sur Tibrin 3 cycles plus tard, quand la bestiole était tombée malade parce que le personnel de la comtesse ignorait complètement comment s'en occuper. Mais il fallait rendre justice à cette femme, elle avait payé rubis sur l'ongle les frais de transport du poisson pour qu'il regagne ses eaux natales. Beaucoup d'autres, en particulier de sa classe sociale, l'auraient simplement laissé mourir. Ce voyage particulier semblait élémentaire en comparaison. Les sections de chargement du Legacy Run étaient remplies à 80% de colons à destination de la bordure extérieure. Issus de mondes surpeuplés du noyau et des colonies, ils allaient y chercher une nouvelle vie, de nouvelles chances à saisir et un air neuf. Elle pouvait les comprendre. De toute sa vie, Eda Cassette n'avait jamais tenu en place. Elle pressentait qu'elle finirait par mourir de la sorte, en scrutant l'espace au travers d'une verrière, et elle espérait bien que ses yeux se poseraient alors sur quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Comme il s'agissait d'un transport de passagers, les modules avaient été disposés dans la configuration de base, avec des places assises convertibles en couchettes, assez confortables théoriquement pour qu'on puisse y dormir. De l'équipement hygiénique, des rangements, quelques holo-écrans, de petites cuisines, et c'était tout. Les colons prêts à payer un supplément de confort disposaient de restaurants automatisés gérés par des droïdes et de compartiments de couchage privés, mais ils n'étaient pas nombreux. Ces gens se contentaient de peu. En effet, s'ils avaient eu des crédits, ils n'auraient certainement pas pris la route de la bordure extérieure pour aller s'y créer un avenir. Aux frontières obscures de la galaxie, on pouvait découvrir des défis à la fois enthousiasmants et mortels. Plus mortels qu'enthousiasmants, à vrai dire. Même le chemin qui mène jusqu'ici est périlleux, pensa Eda tandis que le vortex de l'hyperespace attirait son regard vers le hublot devant lequel elle passait. Elle détacha toutefois vivement les yeux, sachant qu'elle risquait de rester sur place une 20aine de minutes si elle se laissait captiver. On ne pouvait pas se fier à l'hyperespace. Oh, bien sûr, il était utile, et vous permettait de vous rendre d'un point à un autre, et l'expansion de la République depuis le noyau reposait sur lui. Mais personne ne comprenait vraiment comment ça fonctionnait, en fin de compte. Il suffisait que votre navidroïde se trompe un tant soit peu dans le calcul des coordonnées pour que vous dériviez à l'écart du chemin jalonné, cette route principale qui traversait la nature inexpliquée de l'hyperespace, et que vous vous retrouviez sur un sentier obscur débouchant sur une destination inédite. Le phénomène se produisait même sur les hypervoies fréquentées proches du centre galactique. Ici, dans ces régions où les prospecteurs avaient tout juste pris la peine de recenser les trajets possibles, eh bien, il valait mieux ouvrir l'œil. Elle mit ses inquiétudes de côté et poursuivit son chemin. En toute franchise, le Legacy Run filait pour le moment sur l'une des routes les plus passantes et les mieux connues menant au monde de la bordure extérieure. Des vaisseaux y circulaient constamment dans les deux sens, pas de souci à se faire. Néanmoins, plus de 9000 âmes à bord de ce vaisseau comptaient sur la capitaine Eda Cassette pour les conduire saines et sauves à bon port. Par conséquent, elle s'inquiétait tout de même. C'était son travail. Eda émergea du couloir et entra dans la coque centrale, débouchant sur un vaste espace circulaire, une zone dégagée nécessaire à la cohésion d'ensemble de la structure, qu'on avait convertie en une sorte de salle commune. Quelques gamins donnaient des coups de pied dans un ballon, à proximité d'adultes occupés à bavarder. Tous profitaient d'une petite pause hors des modules exigus où ils passaient le plus clair de leur temps. L'endroit n'avait rien de bien raffiné. C'était un simple carrefour où se croisaient plusieurs couloirs. Mais il était impeccable. Le vaisseau employait, sur l'insistance de la capitaine, une équipe d'entretien automatisée veillant sur l'hygiène et la propreté de l'intérieur. L'un des droïdes concierges était justement en train de courir le long d'une paroi exécutant l'une des tâches sans fin que requérait la maintenance d'un appareil de la taille du Run. La capitaine prit le temps de faire le point. Le groupe se composait d'une 20aine de personnes, de tous âges, issues de divers mondes. Des humains, bien sûr, mais aussi quelques Ardéniens velus et quadrumanes, une famille de Guivins avec leurs yeux triangulaires caractéristiques, Et même un lanik, aux traits pincés, au crâne coiffé d'un chignon et aux énormes oreilles pointues déployées de part et d'autre de sa tête. On n'en croisait pas énormément dans le coin. Mais quelle que fussent leurs planètes d'origine, il ne s'agissait que de colons ordinaires qui passaient le temps en attendant de recommencer leur vie. L'un des enfants leva la tête. « Capitaine Cassette !» s'exclama le gamin, un humain roux à la peau olivâtre. Elle le connaissait. « Bonjour, Serge. Quoi de neuf? Tout va bien ici ?» Les autres enfants interrompirent leur jeu pour se grouper autour d'elle. « On n'aurait rien contre de nouveaux holos ?» soupira le garçon. « On a regardé tous ceux du système. »« Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, » répondit-elle. « Et arrête d'essayer de t'infiltrer dans les archives pour accéder aux titres pour adultes. Tu crois que je n'ai rien remarqué ? C'est mon vaisseau. Je sais tout ce qui se passe à bord du Legacy Run. » Elle se pencha vers lui pour ajouter « Tout ». Serge rougit et se tourna vers ses amis qui, tous sans exception, venaient de se découvrir un intérêt prononcé pour l'examen du plafond, du sol et des parois pourtant insignifiants de la salle. « Ne te fais pas de bile, » reprit-elle en se redressant. « Je comprends. Le trajet n'est pas vraiment passionnant. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais d'ici peu de temps, quand tes parents te feront labourer les champs, construire des clôtures ou te défendre contre les rancors, tu regretteras ce temps passé à t'ennuyer dans mon vaisseau. Détends-toi et profite. » Serge leva les yeux au ciel et retourna au jeu improvisé que les autres enfants et lui venaient d'inventer. Edda sourit et traversa la salle, adressant des saluts et échangeant quelques phrases avec ses occupants. Des gens. Il y en avait des bons et des mauvais, sans doute, mais pour les quelques jours à venir, ces gens étaient les siens. Elle adorait ces trajets. Quel que soit le sort qui les attendait au bout du compte, ces colons voyageaient vers la bordure pour réaliser leurs rêves. Participer à cette entreprise lui procurait de la satisfaction. La République de la chancelière Sceau n'était pas parfaite. Aucun gouvernement passé ou à venir n'aurait pu prétendre l'être. Mais ce système laissait au peuple la place nécessaire pour rêver. Non, mieux encore. Il encourageait les rêves, petits ou grands. La République n'était pas dépourvue de défauts, mais en réalité, on était sacrément loin du pire. Le tour d'inspection de Edda lui prit plus d'une heure. Elle traversa les compartiments de passagers, mais contrôla également la cargaison de tibana liquide à basse température pour s'assurer que les réservoirs remplis de substances volatiles soient bien fixés. C'était le cas. Examina les moteurs, rien à signaler. Se renseigna sur l'évolution des réparations du système de recyclage environnemental du vaisseau, en cours et en bonne voie. Puis vérifia que les réserves de carburant soient suffisantes pour le reste du trajet. Elles l'étaient, avec une marge confortable. Le Legacy Run répondait à toutes ses attentes. Un minuscule monde bien entretenu au milieu de l'espace sauvage, une bulle tiède de sécurité isolant ses occupants du vide. Elle ignorait ce qui attendait les colons une fois dispersés dans la bordure extérieure, mais elle s'assurerait qu'ils y arrivent sains et saufs pour le découvrir. Edda regagna la passerelle où le lieutenant Bowman faillit littéralement bondir de son fauteuil lorsqu'il la vit entrer. « La capitaine est sur le pont !» annonça-t-il et les autres officiers se redressèrent sur leur siège. « Merci, Jarry !» dit Edda tandis que son second se retirait pour retourner à sa place. Tout en s'installant au poste de commandement, elle vérifia machinalement les moniteurs en quête de signaux sortant de l'ordinaire. « Tout va bien » pensa-t-elle. Une alarme stridente et insistante. L'éclairage de la passerelle bascula sur la configuration d'urgence, répandant une lumière écarlate sur tout le décor. De l'autre côté de la baie d'observation avant, le vortex de l'hyperespace paraissait curieusement différent. Peut-être cela tenait-il à l'éclairage d'urgence, mais Edda lui trouva une teinte rougeâtre, presque maladive. Elle sentit son pouls accélérer et bascula mentalement en mode de combat sans même y penser. « Au rapport » aboya-t-elle en parcourant vivement ses propres écrans du regard pour identifier la source de l'alarme. « L'alerte provient du nav ordinateur, capitaine !» répondit son navigateur, l'élève officier Caloir, un jeune Kermien. Il y a quelque chose dans l'hypervoie. Droit devant. C'est gros. Impact dans 10 secondes. Il s'exprimait d'une voix égale et Eda était fière de lui. Il n'était sans doute guère plus âgé que Serge. Elle savait que cette situation était impossible. Il n'y avait rien dans les hypervoies. C'était justement tout leur intérêt. Eda n'aurait pu expliquer les principes scientifiques impliqués, mais elle savait que les collisions à vitesse lumière sur des voies bien établies ne pouvaient tout simplement pas se produire. C'était mathématiquement absurde à en croire ce que disaient les ingénieurs. Eda sillonnait l'espace profond depuis assez longtemps pour savoir que les phénomènes impossibles survenaient tout le temps, pour ainsi dire tous les jours. Elle savait également qu'à une vitesse telle que celle à laquelle était propulsé le Legacy Run, 10 secondes ne représentaient rien. « On ne peut pas se fier à l'hyperespace », pensa-t-elle. Eda Cassette appuya sur 2 des boutons de son tableau de bord. « Accrochez-vous », dit-elle d'une voix calme. « Je prends les commandes. » 2 leviers surgirent des accoudoirs de son fauteuil de capitaine et Eda en saisit un dans chaque main. Elle s'autorisa une profonde inspiration avant de piloter. Le Legacy Run n'était pas un bourdon Incom Z-24, ni même l'un des tout récents Long Beam de la République. L'appareil, en service depuis bien plus d'un siècle, était un cargo qui avait atteint, voire dépassé, son espérance de vie opérationnelle. Chargé à bloc et pourvu de moteurs conçus pour des accélérations et décélérations lentes, afin de s'arrimer aux spatioports et aux complexes de chargement orbitaux, il se déplaçait avec la vivacité d'une lune. Le Legacy Run n'était pas un vaisseau de guerre, loin de là, mais Eda le pilotait comme tel. Son œil et ses instincts de pilote de chasseur lui permirent d'aviser l'obstacle sur le trajet. Il avançait avec une vélocité phénoménale et était assez grand pour qu'à l'impact, l'appareil et l'objet inconnu se désintègrent en nuages d'atomes destinés à dériver pour l'éternité sur les hypervoies. Pas moyen de l'éviter. Le vaisseau ne dévirait pas à temps. Elle n'avait ni marge de manœuvre, ni délai pour bifurquer. Mais la capitaine Eda Cassette avait pris les commandes et elle ne laisserait pas tomber son vaisseau. Elle exerça une infime traction sur le levier de gauche, associée à une rotation plus large avec celui de droite, et le Legacy Run dévia, davantage qu'il ne l'aurait voulu sans doute, mais pas moins que ce que la capitaine escomptait. L'énorme cargo dépassa l'obstacle placé sur sa trajectoire et l'objet frôla la coque de si près que Eda crut sentir le souffle l'ébouriffé malgré les nombreuses strates de métal et de champs de force qui les séparaient. Mais ils avaient survécu. Pas d'impact. Le vaisseau était toujours là. Des turbulences. Eda compensa en se dirigeant au jugé, parmi les ondes et les sursauts, fermant les yeux et naviguant à l'instinct. L'appareil gémit et sa structure tout entière protesta. « Tu peux y arriver, mon vieux, » fit Eda à voix haute. « Nous sommes 2 grincheux et pas de première jeunesse, mais il nous reste un bon bout de temps à vivre. Je te bichonne et tu le sais. Si tu tiens le coup, moi aussi. » Et Eda tint bon. Mais pas son vaisseau. Le grincement de métal tiraillé se mua en hurlement. Les vibrations produites par l'appareil dans l'espace adoptèrent un timbre que Eda n'avait que trop souvent entendu. C'était le murmure d'une machine qui avait outrepassé ses limites à cause d'avaries subies lors d'une escarmouche ou, comme c'était le cas aujourd'hui, d'un pilote qui lui en avait trop demandé. Le Legacy Run était en train de se disloquer. Au mieux, il lui restait quelques secondes. Eda ouvrit les yeux. Elle lâcha les leviers et tapota les commandes de son tableau de bord, activant le champ de force qui séparait chaque module de cargaison en cas d'accident et espérant ainsi donner une chance aux occupants du vaisseau. Elle songea à Serge et à ses amis qui jouaient dans la zone commune, puis visualisa les portes de sécurité qui s'abattaient à l'entrée de chaque compartiment passager, risquant bien de les emprisonner dans une section qui n'allait pas tarder à se vider de son air. Elle espérait que les enfants étaient retournés auprès de leur famille en entendant l'alarme. Mais elle n'en savait rien. Elle ne pouvait pas le savoir. Eda riva ses yeux à ceux de l'officier en second qui la fixait, conscient lui aussi de ce qui les attendait. Il la salua. « Capitaine, » dit le lieutenant Bowman. « C'était un... » La passerelle se disloqua. Edda Cassette mourut sans savoir si elle avait réussi à sauver qui que ce soit.